Les participants à la 4e conférence des pêcheurs exemplaires de l'armée populaire de Corée ont rendu hommage le 1er janvier au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il au Palais du Soleil de Kumsusan.